Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 16 avril. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant de Samuel Girard et l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche qui ont gagné hier par la marque de 6 à 2 contre les Flames de Calgary au Colorado. L'athlète natif de Roberval n'a pas joué, il est blessé au haut du corps et sa condition sera évaluée au jour le jour. Maintenant, on va parler du côté de course à pied. C'était le traditionnel marathon de Boston hier. Et il y a un athlète qu'on connaît au moins, Stéphane Perron de l'Abbé, qui était là-bas et qui a participé aux 42,2 km. Il a fait un temps de 3 heures, 5 minutes et 32 secondes. Et un autre athlète au moins qu'on sait de Saint-Amboise, qui s'appelle Justin Savard, qui lui a fait également le 42,2 km avec un temps de 2 heures, 59 minutes et 13 secondes. Maintenant, on va parler du côté de la course à pied encore. Il y avait un événement qui se déroulait en fin de semaine et c'était une compétition qui se déroulait à Jonquière. Il y avait des athlètes du Club du Mille qui étaient en action. D'abord, à noter que Marie-Claude Brassard, qui est native de Saint-Augustin, a remporté le 10 km féminin avec un temps de 39 minutes 29 secondes. Sylvie Lavoie de Saint-Augustin, elle, a fait le troisième rang avec un temps de 43 minutes et 53 secondes. Au 5 km masculin, Claude Girard du Club du Mille a triomphé. Également, à noter dans les autres compétitions qu'au 3 km masculin, Xavier Larouche de Roberval a atteint la troisième place. Et aussi au 1 km féminin, Danny Gauthier a terminé en première place avec un temps de 3 minutes 57 secondes. Hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec l'Association des sportifs d'Albanel et son président Joël Lavoie. En entrevue sur les ondes de DanRadioSport.com, Joël Lavoie mentionne que l'association a connu une très belle année. Tout à l'heure, on dit, OK, bon, ça se passe. Il y a de moins en moins de gens qui vont se présenter quand même. Fait qu'on a décidé cette année autour du 10 avril que la saison était terminée. OK. Et on a eu une très belle saison. Très belle saison, sauf, ça faisait trois semaines dans le mois de janvier qui était très froid. Okay. Sans ça, on a eu une très belle saison avec des glisses de printemps régulièrement, même en plein hiver, que c'est très rare. OK. Puis, dans un deuxième temps, Joël Lavoie mentionne qu'il y a un projet sur les cartons pour travailler, que l'association devienne un centre à l'année. Une équipe de bénévoles. Mm. Donc, nous autres, l'équipe de bénévoles, quand on fait notre saison hivernale, l'été, il se passe rien. On n'est pas ouvert, on n'a pas le temps à s'en occuper. Mais, je sais que, nous autres, on est vraiment proche de la municipalité, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a environ 3 ou 4 ans, on a rénové tout le chalet principal au complet, on a investi 150 000, puis là-dessus, il y avait la moitié qui venait de la municipalité d'Albanel. Donc, la municipalité d'Albanel, elle est proche du centre de ski. Puis eux, ils ont des visées un jour pour essayer à long terme de faire virer ça à l'année, l'été comme l'hiver. Mais c'est pas encore dans des projets si proches que ça. Mais eux autres, ils ont des visées. Ils pensent à essayer d'attirer des gens pour l'été, oui. Dans un dernier temps, Joël Lavoie mentionne qu'il y aura des nouveautés l'an prochain. Le ski de fond, la location de ski de fond sera gratuite l'an prochain pour les jeunes de 12 ans et moins. Et tantôt, je disais que la nouveauté, je disais qu'on n'en avait pas. Oui, la nouveauté l'an prochain, tous les skis, autant adultes que jeunes, toutes les locations vont être gratuites. OK. Ah, OK. Ouais, présentement, 12 ans et moins, là, les jeunes de 12 ans et moins qui viennent faire du ski à Albanel, ça ne coûte rien. L'entrée, comme les skis. Mmh. Mais l'an prochain, mettons 12 ans et plus, les skis, ça va être gratuit. Ils vont avoir juste à payer leur entrée pour aller faire du ski dans les centres. J'invite donc à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Joël Lavoie, qui est de l'Association des sportifs d'Albanel, où on parle évidemment de l'association. Je me suis également entretenu avec Marie-Ève Diquaire, où on parle évidemment du championnat du monde de boxe. Également, je me suis entretenu aussi avec René Cadieux du site internet game-focus.com où on parle évidemment du jeu vidéo LMB de Show qui est arrivé sur les tablettes depuis quelques semaines. Sport local et régional, à DanRadioSport.com, on s'en occupe.